Salut à tous, c'est Max et on se retrouve dans cette nouvelle petite boîte à musique, le format court de la Disney's Music Box. Aujourd'hui, on va se faire peur pour Halloween et on va parler de la musique de la nuit sur le Mont Chauve. Une nuit sur Mont Chauve est un poème symphonique composé par Modeste Moussorgski en 1867. Il l'arrange en 1872, puis en 1873, avant d'être orchestré et dirigé par Nikolaï Rimsky-Korsakov, un de ses amis, en 1886. Ce même Rimsky-Korsakov fait un arrangement de cette dernière version en 1908 et la renomme Fantaisie pour orchestre. D'autres versions du poème seront arrangées par la suite. Pour mettre en contexte, un poème symphonique c'est quoi ? C'est un genre musical écrit pour orchestre symphonique sur un sujet littéraire, un texte ou encore une œuvre d'art. La danse macabre de Camille Saint-Saëns, la symphonie fantastique d'Hector Berlioz ou encore le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy sont des poèmes symphoniques. Moussorgski s'est inspiré quant à lui d'une nouvelle de Nicolas Gogol, un écrivain russe, La nuit de la Saint-Jean, publiée en 1830. Le poème symphonique décrit la nuit de la Saint-Jean, avec une ambiance dans les voies souterraines, l'apparition des esprits des ténèbres et de Tchernobog, qui est le dieu des ténèbres dans la Russie païenne, l'adoration à Tchernobog, le sabbat des sorcières, puis la sonnerie de la cloche du village et l'évanouissement des apparitions, et enfin l'aube naissante. Détaillons précisément la version de Rimsky-Korsakov la plus connue, partie par partie. Une ambiance mystérieuse s'installe avec les instruments à vent qui imitent un effet de vent. Les esprits des ténèbres et Tchernobog arrivent avec un thème au cuivre. Tout ce monde est mis en valeur avec un outil orchestral forte et reprenant les thèmes de ce début. L'adoration de Tchernobog s'entend avec ce thème. Tout ce qui tourne autour du dieu des ténèbres s'entendra avec cette mélodie. Plus l'ode à ce dieu s'intensifie, plus la nuance devient forte. Un grand silence s'installe. Un motif mélodique ascendant amène vers un choral de cuivre. Celui-ci annonce l'arrivée des sorcières pour leur sabbat. Celles-ci ont leur propre thème. L'adoration et l'ode à Tchernobog, mélangée au sabbat, s'intensifie. Musicalement, les mélodies se mélangent, les thèmes s'enchaînent. Orchestralement, les mélodies s'enchaînent entre les voix jusqu'à un grand silence qui annonce la fin du bal. La même montée qu'annonçait l'arrivée des sorcières s'enchaîne avec un grand crescendo instrumental, orchestral et une dernière accélération qui est le climax de l'œuvre. Une dernière descente fait résonner la cloche du village, qui annonce la fin de la fête. On avait une fête païenne durant toute cette première grande partie, qui est résolue et remise en ordre par le sacré et donc la cloche de l'église du village. Les apparitions s'évanouissent avec un terme des cordes, et l'homme naissante arrive avec un thème de flûte. Certaines interprétations de l'œuvre ont marqué l'histoire des arts. Albert Coates, avec l'Orchestre Symphonique de Londres, a interprété l'œuvre pour le court-métrage d'Alexandre Alexeïev, Grévin d'origine russe, et sa compagne Clara Parker. Le graveur a proposé une version animée avec un écran d'épingle. En fonction de la profondeur de l'épingle sur l'écran, le graveur pouvait ainsi proposer différentes images, une sorte de stop-motion si vous voulez. Une autre version très connue est celle arrangée par Leopold Stokowski dans les années 30 pour un court-métrage des studios Disney en fermeture de Fantasia. Interprétée par l'orchestre de Philadelphie, la version est beaucoup plus courte. L'appel des cuivres par exemple est supprimé, on va aussi enlever quelques temps par-ci par-là. Stokowski orchestre aussi l'œuvre à certains endroits. En 82, Irving Kostal, qui avait orchestré Mary Poppins, fait une nouvelle interprétation de la musique de Fantasia et donc automatiquement de La Nuit sur le Mont Chauve, avec le Disney Studio Orchestra and Chorus. Kostal accélère un peu la musique et l'orchestration n'est pas très différente. L'Ave Maria est ici en anglais et non en latin comme de la version de Stokowski. La version de Kostal est très peu utilisée et c'est la version de Stokowski, donc l'original, qui est principalement diffusée dans les productions actuelles. On peut retrouver les deux versions dans le Walt Disney Records The Legacy Collection sur Fantasia. Tchernobog est un personnage mis en valeur dans l'entreprise Disney, mais un personnage assez rare sur les parcs. On peut noter l'apparition de la musique de la nuit sur le Mont Chauve dans Fantasmic par exemple, ou dans la Disney's Once Upon a Dream Parade, la parade du 15e anniversaire de Disneyland Paris, avec le personnage présent sur le char des méchants. Je tenais absolument à faire un jour un format court sur la nuit sur le Mont Chauve, musique emblématique et très bien écrite, autant sur l'orchestration que sur les thèmes ainsi que sur les harmonies. Aussi un petit coup de cœur, j'ai eu l'occasion de diriger cette musique durant mes examens de direction d'orchestre il y a maintenant quelques années. La Disney Music Box est un live de Belle et la Bête avec Rien que d'y penser, avec Flan, Secret Disney et Musicland. Il y a aussi la chaîne Et la Bête sur Twitch avec l'émission hebdomadaire, le Belle et l'Apéro et les formats qui arrivent de temps en temps. Vous pouvez nous soutenir avec vos retours mais aussi sur Patreon. Et on vous remercie avec pour ce mois-ci Marie, Greg, Calloar, Pierre, Damien, Goudkar, Samuel, Antinéa, Antoine, Ludwig et Nico Ciné. Les lives sont bientôt de retour, on ne vous oublie pas, on vous le promet, et surtout à très vite. Et je vous laisse avec le thème de flûte qui amène l'apaisement dans Nuit sur le Mont Chauve.